toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le mardi 25 mai 2021, il est un peu plus de 14h, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre, donc il est 14h01 même, donc du coup c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guimauzo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Miguel du groupe Alambic, chanteur et musicien du coup qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de musiciens et du dernier album en date du groupe intitulé Premier des derniers. Donc bonjour Miguel. Salut à toutes, salut à tous. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va, mais on est bien, il fait beau, je suis dans le sud, là il y a du soleil, on est pas mal. Ah bah vous avez de la chance parce que au niveau du nord-est, il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, il y a beaucoup de nuages, donc bon. Ah, je vous envoie quelques petits rayons là. Ah bah oui, vous allez nous en envoyer pendant toute cette heure d'émission. Donc nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors je suis Miguel, je suis chanteur du groupe de musique qui s'appelle Alambic. Donc on fait de la chanson française, un peu salsa, toujours avec beaucoup d'humour. Et on est prêt à reprendre les concerts. Donc voilà, on est dans les starting blocks. Et oui, parce que normalement les concerts devraient bientôt reprendre. Ben oui, on espère hein, bientôt là. Hein. Oui. Ça fait longtemps maintenant. Hein. C'est vrai, ça remonte à combien? Plus de 2 ans? 1 an et demi, 2 ans votre dernier concert? Ouais, nous on a eu la chance de jouer l'été dernier. D'accord. Donc ça fait moins d'1 an. On a eu la chance de faire une petite tournée sympa en France l'été dernier. Assez étonnamment, les gros concerts se sont annulés et les concerts moyens ou dans les salles de concert plus petites ou les cafés-concerts, il y a eu pas mal de trucs maintenus. Donc on a eu cette chance-là et voilà, on a eu cette chance-là. Donc ça fait moins d'un an. D'accord. Donc d'abord, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme la semaine dernière, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents et de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact, et car si elle n'avait pas été là, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci Géraldine. Merci Géraldine. Donc, avant de parler de votre carrière et de l'album du groupe à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Avez-vous fait par exemple des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors ouais, moi j'ai pas fait d'études musicales, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, hein, mes parents écoutent beaucoup de musique même s'ils sont pas eux-mêmes musiciens. Puis après je suis allé en Afrique pour une mission humanitaire en 2008 je crois, quelque chose comme ça. J'ai découvert un peu j'ai vraiment découvert la musique là-bas, et quand je suis revenu j'avais un peu cette fibre là, et puis avec mon frère Thomas qui est batteur du groupe, on s'est mis à faire de la musique ensemble, et puis on a créé notre premier groupe de musique avec un groupe précédent qui s'appelait Ailleurs et donc on a adoré ce groupe, on a eu la chance de faire des concerts un peu partout en Europe et c'était un groupe reggae quoi, et après on a eu envie de faire autre chose et on a créé le groupe Alambic. Donc j'ai pas de formation musicale à proprement parler, ça s'est fait vraiment dans le feu de l'action autour de bouteilles de bière. D'accord, bah c'est un moyen comme un autre, vous me direz. Donc justement, comme vous l'avez dit, vous êtes chanteur du groupe Alambic. Donc, comment décririez-vous le style de musique pratiqué par Alambic, justement? Nous, on a eu envie de faire plein de choses. Il y a plein de styles de musique qu'on aime, donc on n'a pas voulu se restreindre à un seul style de musique. C'est pour ça qu'on aime bien dire que on fait une forme de chanson, parce que la chanson française, elle permet ça. C'est-à-dire le liant, c'est le francophone, c'est les thématiques des chansons, et après musicalement la musique qui est autour tout ça, qui est le véhicule de cette parole là de ce texte, en fait on va chercher plusieurs styles de musique. En fait nous on adore la musique latine, on aime beaucoup les musiques actuelles aussi, on aime beaucoup le reggae, on essaie de mettre un peu des touches un peu rap ou musique actuelle aussi dans nos morceaux maintenant. Donc on aime vraiment beaucoup de choses et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc j'irais chanson pour que ça passe partout, mais on fait en vrai on mélange pas mal de couleurs musicales dans nos morceaux. D'accord. Donc justement, là, j'allais vous demander si c'était votre premier projet musical ou si vous aviez déjà un ou plusieurs albums, EP ou autre auparavant, mais comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous aviez déjà un premier groupe de musique. Ouais, c'est ça, ouais. On avait un premier groupe de musique, alors très reggae, hein. Et c'était super bien. En plus, c'était la première expérience de groupe. On a monté ça avec des copains du lycée. Enfin, il y avait une belle équipe. Puis il y avait un peu une histoire de famille. Et une partie de, bah d'ailleurs, 5 musiciens sur 6 du groupe Alambic proviennent de cette formation-là. Hein. Donc, les musiciens que je suppose que je les présenterai un peu plus tard. Donc on a eu cette formation là avant, c'était super bien et on faisait du reggae et c'était cool. Et puis on s'est dit, on a envie de faire un truc un peu différent. Moi, ça faisait un moment parce que je faisais des chansons beaucoup en anglais et j'avais envie d'écrire en français. J'avais écrit pas mal de chansons et on s'est dit, venez, on crée ce projet. Ils ont été tout de suite très chauds et on est parti de ça, quoi. D'accord. Et du coup, comme vous l'avez dit, dans le premier groupe, il y avait votre frère qui est d'ailleurs toujours présent dans ce groupe Alambic. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, Non, mais c'est ça. C'est avec mon frère qu'on fait les structures des morceaux, c'est-à-dire qu'on fait les maquettes, les premières bases des morceaux, on les fait ensemble. Et donc, il est vraiment important dans le groupe, quoi. Mais justement, ça va être quelque chose de quelque part d'enrichissant de travailler avec son frère. Ouais, alors c'est pas facile tous les jours, des fois on a envie de se lancer des objets pointus. D'accord. Comme dans toute relation humaine, mais en vrai non, ça se passe bien, ça se passe très bien, on bosse ensemble depuis longtemps, on a à peu près les mêmes inspirations, ou en tout cas même si on n'écoute pas toujours la même chose, voilà, on a la même idée de la musique et de ce vers quoi doit se tourner le projet. Donc c'est plutôt intéressant, c'est enrichissant, ouais. J'imagine, oui. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un petit peu du titre de cet album, donc Premier des Derniers, sorti le vendredi 25 octobre 2019, c'est bien ça? C'est ça, ouais, tout à fait. D'ailleurs, expliquez-nous un petit peu ce titre. Pourquoi le premier des derniers? Que vouliez-vous faire comprendre à travers ce titre que c'était votre premier album, mais aussi le dernier album, ou une autre raison? Alors, non, mais justement, c'est le premier des derniers albums. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'idée de la lose, hein, de la défaite. C'est un peu ça qu'on porte, nous. Nous, on vient des campagnes, on fait partie des ratés, en fait. On nous a décrit un chemin qui est valorisant de trouver un boulot, d'acheter, d'être propriétaire, une carrière, etc., avec un cheminement, en fait, qui est valorisant, qui est intéressant. Et nous, on fait partie de cette jeunesse des campagnes un peu désœuvrée, qui fait la fête, qui a pas trop envie de penser au lendemain, etc. Et donc qui enchaîne les défaites sentimentales ou au niveau professionnel, etc. Donc nous, c'est ça qu'on voulait porter, mais avec de l'humour, hein. On n'a pas eu envie de faire un truc pleurnichant, hein. Donc c'est ça. Et donc déjà c'est cette idée là que nous on veut se battre pour faire un truc bien dans notre musique, mais on sait qu'on restera dans le camp des perdants. Donc on s'est fait à cette idée-là et on a eu envie d'être le premier des derniers, quoi. Parmi les losers, essayer de faire quelque chose d'un peu brillant, d'un peu shiny parmi les losers. Donc il y avait ce sens-là. Et pour l'album, c'est l'idée aussi de tout peut basculer à tout moment, cette idée un peu éphémère. Là, on a sorti un album et c'était super bien et c'est peut-être le premier des derniers albums qu'on fait. En fait, à chaque album qu'on fait, on essaye de faire en sorte que ce soit comme si c'était le dernier, en fait. Voilà. D'accord, oui, pour être sûr de ne rien regretter plus tard. C'est ça. D'accord. Et donc, comme nous disions en début d'émission, Alambic, c'est un groupe de musique. Donc, on va présenter, enfin, je vais vous laisser présenter les autres membres du groupe et leur poste, entre guillemets. Donc, il y a votre frère. Qui sont les autres membres? Oui, tout à fait. Donc, il y a Tom, donc, qui est mon frère, qui est batteur, qui joue aussi d'ailleurs très bien de la guitare. Hein. Il y a Damien, qui est le guitariste. Il y a Flo, qui est le frère de Damien, qui est bassiste, donc Dame et Flo qui sont mon frère. Il y a Julien, alias Juju Lamoresque, qui est clavier et qui joue du trombone aussi. Il y a Sylvain qui est trompettiste, alias Sylvain Le Schnaps, Et, ils ont tous un peu leur spécificité en termes de boissons et en termes d'instruments, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on a ce petit équilibre là, on est à 6, mais on est aussi entouré par une énorme équipe. Il y a Ophélie de Magnetic Closing qui est graphiste, qui travaille pas mal le graphisme. On a Géraldine du bureau de Lilith, il y a Damien et Théo de Otake Productions, il y a tous nos potes qui sont à la régie son, il y a tous nos amis avec qui on boit des coups et qui nous poussent à faire des morceaux. Enfin bref, on est une énorme équipe en vrai. D'accord, donc vous aviez vraiment cette volonté de faire, on va dire, un groupe de musique, donc avec les musiciens, mais pas que, entre amis, ou avec votre frère, enfin, et avec votre frère, comme c'est le cas dans Alambic. Ouais, c'est ça, bah déjà en famille, il y a ce côté-là, en familial, quoi. Entre amis, c'est sûr, parce qu'en vrai, la musique, c'est pas un truc... à part de rares exceptions, où on est promu un avenir brillant, en vrai, quand on s'engage dans la musique, avec une volonté de d'en vivre, c'est-à-dire d'avoir même tout revenu juste suffisant pour vivoter, c'est sûr qu'on va se prendre des revers. Donc il faut l'envisager comme un truc vraiment. Vraiment une histoire d'amitié, quoi. Et nous, on le vit comme ça, comme une aventure humaine. Et puis, tout peut basculer à tout moment. C'est ça aussi l'enjeu. C'est pas tout le monde qui va percer. Et même si on perce pas, on s'en fout. On est une super bande de potes. On rigole vraiment beaucoup. Et quand on part en tournée, à chaque fois, on est bien reçu. Et on élargit notre équipe d'amis. D'accord. Donc, justement, l'idée que vous aviez en montant ce groupe, donc tous ensemble, donc en montant le groupe Alambic, c'était tout simplement de vous amuser, de prendre du plaisir entre potes. C'est ça, ouais, de consommer un maximum d'alcool. D'accord. Dans un temps réduit. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, bah, en fait, nous, on fait de la musique de toute façon. Hein. De toute façon, j'écris des chansons. De toute façon, même là, pendant le Covid, pendant toute la pandémie, tout ça, on n'avait pas de concert, mais de toute façon, je le fais, même s'il n'y avait pas de concert, je ferais de la musique, c'est sûr. Et c'est le cas de toute l'équipe, donc de toute façon, on fait de la musique. De toute façon, on fait de la musique ensemble. Et donc, si en plus, on peut partager ça avec un public, c'est vraiment cool. Donc c'est ça, c'est le premier cercle, c'est le premier noyau, c'est cette amitié-là, en fait. D'accord, oui, juste partager votre passion, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et puis ouais, faire des rencontres. C'est ces rencontres-là aussi qui vont nourrir l'inspiration, qui vont nourrir nos morceaux. C'est ça, ouais, c'est des paysages, des rencontres, des fêtes, des galères aussi, beaucoup de galères aussi. C'est surtout ça, je pense, d'ailleurs, même. Oui, comme dans tous les domaines, je suppose. Donc, il va être 14h14. Avant d'approfondir le sujet, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de l'album donc de votre groupe, album premier des derniers, et que nous écoutions le morceau intitulé Remède, avec rhum, le rhum comme le rhum, la boisson alcoolisée, un jeu de mots avec Remède, justement comme un médicament, justement. Chanson qui a d'ailleurs le droit à son clip sur Internet. C'est d'ailleurs le morceau numéro 1 de l'album, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un des premiers morceaux qu'on joue en live. C'est le premier morceau qu'on joue en live aussi. C'est d'accord. L'ouverture. Ok, donc est-ce que c'est vous qu'on écoute ce morceau? C'est parti, carrément. Très bonne idée. Parfait, alors on écoute Remède et on se retrouve juste après. Comme la nuit à l'aide, on veut le rhum, le remède. Sans les esprits pour nous guider, on veut le rhum, le remède. Monde comme la nuit à l'aide, on veut le rhum, le remède. En dessous des 40 degrés. Grand-mère de la bouteille, elle a vu passer des hivers. Elle sait, rien qu'en te regardant, prédire l'avenir qui te sera offert. Elle est grande, elle est belle, mais ses rides ne sont pas une marque de sagesse pour autant. Depuis qu'elle a enterré son mari, elle passe la nuit avec des jeunes de 60 ans. Elle boit des verres à la chaîne, elle lève même à la tienne. Des mouches sur sa peau ébène, elle est balayée d'un simple revers.

D'accord. Et en fait, c'est celui-là où par exemple sur le chômage, hein, sur le morceau 5 ans d'études pour rien, où je dis que j'ai fait des études et que de toute façon je suis encore au chômage du. Enfin, c'est des thèmes. Si on les aborde sans humour, c'est larmoyant, c'est des trucs qui touchent les gens. On n'avait pas envie de faire un truc contestataire. Ça, on entend tous les jours. On n'avait pas envie de faire un truc lourdingue. Les gens sont omnibulés. Enfin, sont reçoivent en permanence des trucs de BFM TV, des signaux un peu négatifs. On avait envie de donner un peu de joie dans cette histoire-là, en racontant nos vraies galères, en fait. Et l'humour permet ça. L'humour permet de parler du chômage en rigolant. L'humour permet de parler de l'infidélité en trouvant ensemble. Il y a des trucs marrants, en fait, partout. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu exploiter, en fait. On a voulu se moquer de nous-mêmes et de nos situations, et l'humour permet ça. D'accord. Donc justement, comme vous l'avez dit, avant vous aviez un groupe qui était très reggae, très porté reggae, mais même dans ce groupe alambique, j'ai cru reconnaître en fait quelques notes de reggae justement. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Ouais, on adore le reggae. On a voulu changer parce que en vrai on en a fait pendant pas mal d'années. Et c'était super bien, et c'est toujours super bien. On adore toujours jouer du reggae. On avait juste envie de voilà d'essayer d'autres choses, mais en vrai c'est difficile. On a tendance à mettre du reggae partout dans ce qu'on fait, même quand on se dit non mais les gars là c'est trop reggae, là venez on allège un peu. On a tendance à mettre du reggae partout, donc ouais, là ça va, on s'est un petit peu libéré de ça, mais ouais, on avait la reggae fever, la fièvre du reggae pendant longtemps. Mais ouais, on c'est vraiment un style qu'on adore. Ouais, d'accord. Et donc justement dans vos morceaux, est-ce que vous avez, on va dire, cette volonté de dire beaucoup, de dénoncer, on va dire, certaines choses, sans vous prendre au sérieux, parce que on remarque bien dans les titres que vous faites beaucoup d'humour, mais est-ce que il y a ici une certaine volonté justement de dénoncer certaines choses que vous trouvez peut-être pas forcément normales, ou c'est juste pour détendre ceux qui vous écoutent et on verra bien ce qui se passe après. En vrai, ouais, le côté des dénoncer, c'est un choix qu'on a fait. On a voulu pas rentrer dans ce domaine-là. Déjà parce qu'il y en a qui le font très bien, bien mieux que nous, de dénoncer. Ensuite parce que il faut avoir des positions, il faut être solide sur ses appuis. Et c'est pas forcément ce qu'on est. Nous, on est un peu des losers dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'était un petit peu difficile pour nous de dénoncer. Mais nous, on avait envie. Mais bon, il y a un côté. Il y a forcément, quand on écoute nos morceaux, il y a forcément un côté, quand on parle du chômage, c'est difficile de dire le chômage c'est cool, mais après voilà. Donc non, on veut pas dénoncer, nous. On sait pas trop bien faire ça. On préfère faire des blagues et être ceux qui font des blagounettes au repas de famille, qui prennent pas trop les choses au sérieux. C'est ça qu'on préfère faire. D'accord. Et donc, j'ai également eu l'occasion de lire que, en préparant cette émission, toujours que pareil, vous souhaitez raconter, sans dénoncer, mais raconter certaines choses avec autant de tendresse que d'ironie. Je suppose que là aussi, c'était un choix de mettre de la tendresse et de l'ironie en même temps. Ouais, bah, en vrai, ça, c'est cette dose-là de tendresse ou d'ironie, elle s'est faite assez spontanément. C'est dans la construction des morceaux, et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait assez spontanément, en vrai, dans le mélange entre les paroles. La musique, en fait, les paroles sont écrites avant, en fait. Je les écris avec une base mélodique, quoi. Je gratte trois accords à la guitare, je pose des textes dessus, on fait le truc avec mon frère Tom. Et après, quand on va créer le morceau, on arrive dans la salle de répète avec le reste de l'équipe. C'est là où la magie opère, en fait. Et des fois, ça prend des le morceau devient quelque chose de beaucoup plus doux que ce que j'avais imaginé dans les premiers jets, ou beaucoup plus festif, ou voilà, ça prend une dimension qui est pas toujours en adéquation ni avec les paroles ni avec ce que j'avais imaginé au départ, et ça se fait vraiment comme ça, quoi. D'accord. Et j'ai également eu comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que nous pouvons dire, je pense que oui, mais vous allez peut-être me confirmer, est-ce que nous pouvons dire que chacun de vos titres dans cet album, donc des 9 titres que compose cet album, que chacun raconte une part de votre vie? Ouais, complètement, ça raconte complètement une part de notre vie, mais pas tout, il faudrait encore des dizaines et des dizaines de morceaux pour raconter tout ça. Donc ouais, ça, bien sûr, ça raconte une part de notre vie, c'est pour ça que je suis aussi fier de cet album-là. C'est pour ça que je suis fier de réécouter. Alors, en général, je réécoute jamais. Enfin, j'aime pas du tout me réécouter. Là, quand je réécoute, je me dis, ouais, c'est fidèle, en fait. C'est une photographie fidèle avec notre état d'esprit quand on a enregistré ce morceau, avec ce qu'on vivait, quand on a enregistré cet album-là. Là, on a sorti de nouveaux singles depuis l'album premier des derniers. On a sorti 3 nouveaux morceaux qui sont eux aussi des tranches de vie, en fait, des tranches de nos vies. Et qui invite en fait le public à nous suivre, à continuer à apprendre à nous connaître et on l'espère que ça nous mènera à nous à aller jouer chez eux pour apprendre à les connaître aussi quoi. D'accord. Et donc, justement, est-ce que nous pouvons dire que vos musiques, vos chansons, en quelque sorte composent un certain journal, un journal intime ou un exutoire que dont vous vous servez pour raconter, je sais pas, vos galères, les échecs amoureux, tout ça. Exactement, c'est absolument le cas. On raconte, pour le coup, je vais dire parce que dans l'écriture, je suis plus concerné, mais je raconte vraiment des trucs qu'on vit, quoi. C'est-à-dire, je parle des choses qui m'ont affecté, des galères amoureuses, etc. Et j'en parle de manière drôle, parce que évidemment. Il y a le temps qui passe derrière et puis il vaut mieux prendre les choses à la rigolade, ça permet de se protéger. Mais oui, complètement, c'est ce qui est dit et ce qui a été vécu, absolument. D'accord. Donc comme nous le disions, ce morceau, enfin pas ce morceau mais cet album plutôt, contient 9 titres. Donc on peut peut-être citer ces titres, je sais pas si vous les avez en tête, parce que sinon moi au pire je les ai sous ma trame, donc c'est comme vous souhaitez, si voilà. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ouais, vous voulez que je les cite? Si vous les avez en tête, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cet album-là? Il y a Remède, mm-hmm. Premier des derniers, Pas de problème, Au village, Code postal, Cigarette après l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Aux 80. Je sens que j'en ai oublié. Ouais, il m'en manque 2, je crois. 5 ans d'études et 3 images. Ah, c'est ça, 5 ans d'études et 3 images, c'est ça. Voilà. Donc, justement, avant de poursuivre à nouveau, il est 14h28, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième extrait de votre album, donc le premier des derniers, et que nous écoutions cette fois le morceau, si je me suis bien renseigné, le morceau numéro 3 de l'album, le morceau intitulé d'ailleurs Premier des derniers. C'est le titre éponyme de l'album. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gimozo. Quand j'aurai retrouvé le son, c'est bon, il est là. Donc, à tout de suite. Les bouffes, les moches, les balafrés, le proprio veut son virement. Désolé, je le ferai après. Je pousse mon caddie lentement. Dans le rayon surgelé, j'ai pas de billets depuis longtemps. Mais la monnaie est surgelée. J'avais qu'un jour je serais grand. Mais je m'imaginais pas comme ça. Je me voyais bien super-héros. Président, passe le temps. Je suis pas du côté des gagnants. Mais je me laisse tenter. J'ai tout mon temps, ça veut son pesant d'or. Je vous laisse aller bosser. J'ai rien à faire, mais je me couche à pas d'heure. Je mate des films piratés. On m'a dit, profite bien de ton bonheur. Parce que c'est pire après. Je me dis que finalement la vie est pas mal. Quand on la prend du bon côté, c'est pas la guerre. J'ai pas de gilet pare-balles. J'ai la santé et 2-3 politiciens pour me représenter. Avec un jour je serais grand, mais je m'imaginais pas comme ça. Je me voyais bien super-héros, président, passe le temps. Je suis pas du côté des gagnants, je crois que c'est bien mieux comme ça. Je laisse couler, je me détends. Le jour où j'ai compris que jamais, jamais, jamais, non, je n'atteindrai jamais, jamais, jamais, non, le haut du panier. J'ai décidé de devenir premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Premier des derniers. Vous êtes de retour sur Radio Guimauzo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h31. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Alambic avec leur morceau intitulé Premier des derniers. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Miguel du groupe Alambic, justement, qui est là pour nous parler entre autres de leur dernier album en date intitulé Premier des derniers. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Miguel ? Ah ouais, c'est sûr, je passe un très bon moment, excellent moment. Merci pour ça, pour cette bonne ambiance. Bah, merci à vous d'avoir, surtout d'avoir accepté mon invitation. Et donc, même question que pour la première chanson que nous avons écoutée un petit peu plus tôt. Que souhaitiez-vous raconter ou que racontiez-vous à travers ce titre Premier des derniers, qui est d'ailleurs, je le rappelle, le titre de l'album également ? On voulait raconter en fait l'idée que depuis petit on nous dit qu'il faut réussir à l'école, être le premier, être le meilleur, le plus grand, le plus fort, et on raconte que nous on n'a pas réussi et que par défaut on a fait autre chose, quoi. On a pris un chemin de traverse, on s'est réunis entre losers, entre perdants, et on s'est mis à faire de la musique et on essaye de devenir les meilleurs parmi les losers, devenir les premiers des derniers, quoi. D'accord. Et donc justement, nous n'en avons pas encore parlé, mais du coup votre groupe, il s'appelle Alambic, car un alambic, il me semble que c'est quelque chose qui sert à distiller de l'alcool. Donc justement, pourquoi ce nom Alambic ? Alors déjà parce qu'on aime énormément l'alcool. Oui, il faut dire avec modération à la radio, mais bon, dans la vraie vie, nous, c'est pas trop notre cas. D'accord. Et on aime beaucoup faire la fête, on aime beaucoup la nuit, on aime beaucoup ça, quoi, vraiment. On aime beaucoup danser jusqu'à 6h du mat, on aime beaucoup se lever à 14h ou 15h, on aime beaucoup glander, rien faire. Ben, voilà, tout ça, ça nous ressemble bien. Et puis l'alambic, il y avait un côté, il y a l'idée de d'amener nos inspirations, quoi, de les mettre dans cette machine là toutes nos inspirations. Donc on est 6 musiciens, mais aussi des gens qui nous entourent, hein, qui nous nourrissent, qui en permanence, quoi, et puis que tout ça se mélange, passe dans la machine à travers des petits tuyaux de cuivre et sorte comme ça, comme des petites gouttes en fait concentrées. Et c'est ce concentré là en fait, c'est notre musique, quoi, c'est le mélange. Et puis il y a l'idée aussi du fait que quand on met beaucoup de choses dans cette machine-là, il y a vraiment que tout petit peu qui en ressort. Et ça, c'est un truc qu'on aime bien, parce qu'effectivement, des morceaux, là, sur cet album, il y a 9 morceaux, mais des morceaux, on en a écrit je sais pas combien de dizaines, et en fait, on va en garder que un sur je sais pas combien, parce que c'est celui-là qui nous plaît, et en fait, les autres, ils nous plaisent moins, il y a moins d'alchimie, etc. Et ça, c'est, voilà, l'alambic, pour ça, je trouve que ça porte bien ces idées-là, quoi. D'accord. Justement, vous êtes, comme vous le dites, dans Alambic, vous êtes 6 membres. Donc il y a vous et puis il y a 5 autres musiciens, dont votre frère. Mais donc, justement, est-ce qu'il vous arrive d'être en désaccord sur le texte que vous voulez retenir ? Genre, par exemple, si vous, peut-être, vous avez préféré tel texte, votre frère va en préférer un autre, et les autres membres vont préférer encore un autre texte. Donc, est-ce que ça vous arrive d'être en désaccord ? Et si oui, comment vous faites pour, justement, vous mettre d'accord ? Alors oui, ça nous arrive souvent, hein, c'est des désaccords qui sont assez mineurs, hein, mais ça nous arrive souvent, en tout cas, de débattre de choses sur les morceaux, déjà quand on les construit, etc. Alors déjà, quand moi j'amène un texte, quand j'amène un texte, bon, c'est rare que qu'ils me disent non. C'est déjà arrivé hein, qu'ils me disent non, ce texte-là, ça va pas, ça nous plaît pas, etc. Des fois, j'écris des trucs un peu trop trash, ça ne fait pas rire, des trucs un peu trop, voilà, un peu trop qui ressemblent un peu trop à Didier Super. Donc là, ils me disent non, là, ça va pas, tu vas trop loin. Voilà, et à ce moment-là, bah, le morceau, tant pis, hein, j'en écrirai un autre de morceau, c'est pas grave. Et quand on crée, quand on est en composition, ouais, ça nous arrive souvent. Hein. Alors ouais, on met un appel ici, là on met un solo, ouais, on met un solo de quoi ? Pourquoi le solo il part comme ça ? Pourquoi ? Absolument. Mais ça c'est un peu la vie de tous les groupes de musique. Ça serait pas sain, je pense, si y en a un qui arrivait et qui disait allez, ça va se passer comme ça et que tout le monde disait ah ouais, c'est super tout le temps. Ça, je pense que ça n'arrive jamais déjà. Ou si ça arrive, c'est parce que je sais pas. C'est despotique cette histoire-là. Non, nous on est beaucoup dans des petits désaccords, mais à chaque fois, je sais pas, on s'arrange quoi. Bon, d'accord, bah tu feras un solo sur le prochain morceau, ou alors voilà, on fait des compromis quoi, comme dans tout groupe social composé quoi, voilà, simplement. Oui, faire en sorte que tout le monde finalement y trouve son compte, que tout le monde est content de participer à tel morceau, voilà. Ouais, bon après il faut dire que je suis beaucoup plus musclé que les autres. D'accord. Donc c'est vrai que ça joue aussi beaucoup, voilà, ça marque. Non, vraiment on s'arrange quoi à chaque fois, et c'est ça qui fait la solidité de notre groupe aussi, hein. On est capable de faire des compromis, et puis en vrai c'est un morceau quoi. En général on est sur la même longueur d'onde, et puis quand on l'est pas, bah on s'arrange quoi. Donc y a pas de souci. Mm-hmm. Oui, échanger la discussion, c'est pour que un groupe se passe bien, que ce soit un groupe de musique ou même dans un, on va dire dans n'importe quel travail, il faut que la discussion soit présente sans se prendre la tête, sans ceci, sans cela. Ouais, bien sûr, bah ouais, mais c'est pareil partout, hein. En vrai, c'est ça. Et puis faut ajouter au fait que c'est un métier, la musique, mais c'est pas un métier quoi. En vrai, tout ce qui fait un parallèle avec un métier, ça existe évidemment. Il y a des semaines où on fait de la musique pendant je sais pas combien de dizaines d'heures, et effectivement on peut aussi, ou alors on gagne un peu d'argent avec les concerts, etc. On peut le voir comme un métier pour certains points, mais pour le reste c'est pas un métier. La musique c'est vraiment une passion. Donc quand on est en salle de répète, c'est rarement pour se prendre la tête fort quoi. Donc on est vraiment sur un mood apaisé et dans la bonne humeur quoi, dans la détente. Bien sûr, c'est le plus important. Donc, en préparant cette émission, là, on va reparler un petit peu de votre style de musique. En préparant cette émission, j'ai également eu l'occasion de lire qu'il y a des notes, comme on le disait tout à l'heure, pardon, des notes de reggae, mais que vous mélangez ces notes de reggae avec de la musique cubaine, du blues ou encore du ska. Donc, pourquoi ce style en particulier ? Parce que sur le moment, c'est ce qu'on a eu envie de faire. D'accord. En vrai, c'est ça, c'est vraiment des inspirations... du moment, des inspirations qui changent. C'est pour ça qu'on est bien sous cette espèce d'étendard de chansons françaises. Ça nous laisse vraiment le champ libre, quoi, pour que musicalement on puisse aller se nourrir ou créer des choses qu'on a envie, quoi. Si on a envie de faire un morceau blues, on fait un morceau blues. Si on a envie de faire un morceau salsa, on fait un morceau salsa. Si on a envie de faire un rap, on fait un rap. Voilà, c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Et si on a fait ces morceaux-là à ces moments-là, c'est parce qu'on écoutait cette musique-là à ce moment-là et qu'on s'est dit ouais, c'est un délire, c'est un morceau comme ça que je veux faire. Et là en ce moment j'écoute beaucoup de musique, et là en ce moment j'ai envie de faire tel truc. À chaque fois c'est un peu différent quoi. Donc voilà, on se prend pas la tête, on fait vraiment la musique qu'on a envie de faire quoi. D'accord, bien sûr. Et donc justement, en parlant des styles, parce que personnellement, en préparant cette émission, j'ai eu la chance d'écouter votre album. J'ai cru reconnaître, après peut-être que c'est que ma vision des choses, mais j'ai cru reconnaître certaines inspirations par rapport au célèbre groupe Trio. Ah ouais, bah Trio, bah on a eu la chance de jouer avec eux hein, plusieurs fois, et de boire des coups avec eux aussi d'ailleurs. D'accord. L'été dernier d'ailleurs, on a Guizmo qui est monté sur scène avec nous, c'était marrant. Donc on les connaît bien musicalement, je veux dire, pas humainement, on s'est croisé que quelques fois, mais même si on les aime beaucoup. Moi j'écoute Trio depuis comme tout le monde hein, depuis pas mal d'années avec leurs premiers albums et tout. Alors il y a on est quand même différent de trio, mais c'est vrai qu'il y a un truc, il y a des trucs de trio que j'aime beaucoup, c'est déjà dans la plume. Mm-hmm. La plume qu'ils ont, je trouve qu'ils écrivent super bien. Et puis le côté aussi le côté très très hétéroclite en fait, de selon leurs albums, il va y avoir vraiment plein d'inspirations, de plein de styles, des musiques un peu orientales, beaucoup de reggae, des musiques plus latines et tout. Enfin, moi je trouve qu'ils font ça super bien. Donc effectivement, c'est un groupe qui nous inspire pas mal, ouais, qui nous a inspiré pas mal effectivement. D'accord. Et j'ai également lu en préparant cette émission, c'est mieux que vous dressez justement un portrait, comme on dit depuis le début de cette émission, donc depuis plus de 40 minutes maintenant, que vous dressez un portrait aussi drôle que corrosif, aussi tendre que lucide, d'une société qui souvent ne tourne pas très rond, ce qui est le cas, on ne va pas se mentir, qui offre plus de doutes que d'enthousiasme. Un monde qu'Alambic regarde droit dans les yeux. Fin de citation. Donc, en montant ce projet, en montant ce groupe, est-ce que c'était là votre but, en fait, de dire que finalement, on n'a qu'une seule vie, il faut vivre comme ça nous toque, et hop, là, c'est parti. Ouais, bon, après, je sais même pas si je peux me permettre de donner des conseils ou de sortir des morales, parce que vraiment, je pense que je suis peut-être la dernière personne sur Terre qui peut donner des conseils. En vrai, c'est quelque chose de spontané. Et nous, c'est un truc qu'on peut raconter. C'est une chose que beaucoup de gens vivent, je pense. C'est cette petite médiocrité, c'est la petitesse des gens que nous on vit, on assume. C'est les gens qui vont prendre les bouchons avant d'aller bosser. C'est les gens qui sont un peu en galère, mais que ça va. C'est les gens qui, voilà, c'est les jeunes qui sont au chômage, mais en vrai ils le vivent plutôt bien. C'est tous les étudiants, c'est les vieux, c'est ça. En gros, on voulait raconter la loose. Surtout celle des campagnes, parce que c'est celle qu'on connaît bien, mais celle de la ville aussi, on peut s'y retrouver. Et c'est l'histoire de gens qui vivent, quoi, parce que c'est ça la vie, quoi. C'est des galères, et ceux qui n'ont pas de galères, c'est ceux qui font rien du tout, quoi. Donc nous, on a voulu raconter ça. D'accord. Et d'ailleurs, il me semble savoir que vous avez enregistré ce projet et cet album sous la direction d'un certain Thomas Broussard. Ouais, tout à fait. Thomas Broussard, donc qui est un guitariste, hein, qui est même un énorme guitariste, un très bon guitariste, et humainement, il est super sympa aussi, qui est venu de Paris, par chez nous à Marseille, qui est venu travailler certains morceaux avec nous. Il a travaillé certains morceaux, et il y a d'autres morceaux, c'est Denis alias Rastairon, qui est au Studio K à Port-de-Boux, à côté de Marseille. C'est des gens qui ont travaillé avec nous sur l'album, qui nous ont apporté des choses. En fait, ce qu'on avait besoin, ce qu'on voulait en fait, c'était un regard extérieur en fait sur notre musique, un regard de quelqu'un qui aurait pas peur de nous dire non ça les gars c'est nul, ou ça les gars moi j'aurais vraiment pas fait ça comme ça, ou alors dire pourquoi vous essayeriez pas de faire ça plutôt comme ça. Et c'est ça que Thomas Broussard ou Denis Rastairon nous ont apporté en fait. C'est un regard extérieur, une expertise, et puis nous ont apporté aussi de la confiance, parce que du coup ils nous ont dit les gars ça tue, ça on regarde, etc. Donc voilà, ils nous ont apporté ça. Et ça a permis de donner un petit quelque chose en plus salé dans cet album. D'ailleurs, Thomas Broussard qui fait également partie de l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, justement. Et il me semble également savoir, après je peux me tromper, c'est fort possible, que Thomas Broussard a également eu l'occasion de jouer avec le chanteur Pierre-Paul Jacques, il me semble. Ah ouais, mais pas que, il a joué avec MTM, avec Jane, avec... avec Tyro, avec... de toute façon, c'est pas compliqué, il joue avec les... Il joue vraiment avec Kofi, là, la chanteuse Kofi, je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, ouais, vraiment, il tourne avec les meilleurs, c'est pas compliqué, c'est un des plus gros guitaristes de France, surtout dans le reggae, quoi. Donc ouais, on est très content d'avoir pu bosser avec lui. Oui, donc j'imagine qu'il vous a été d'un grand soutien, comme vous le disiez il y a quelques secondes, d'une grande aide, du coup d'un grand point de vue différent sur votre projet. Voilà, ça fait vraiment plaisir qu'il ait pu venir nous accompagner sur ce projet-là, ouais, absolument. D'accord. D'ailleurs, nous n'en avons pas encore parlé, il me semble, mais quelles sont vos inspirations en matière de musique? Est-ce que vous avez d'autres artistes, donc du coup, à part le groupe Trio, d'autres artistes, chanteurs ou chanteuses, qui vous inspirent à un degré, on va dire, plus ou moins grand? Ah ouais, alors là, on en a une liste assez énorme, et puis en plus, chaque musicien a un peu les siens particulier quoi, donc moi je vais parler en mon nom, mais bon, il y a une grande diversité d'inspiration hein, dans ce groupe, et chacun ramène ses inspirations en fait dans la salle de répète. Moi les miennes dans les textes, il y a évidemment Trio, mais d'autres classiques, à Renaud, beaucoup de Renaud, Claude Nougaro, dans l'écriture, ça j'aime beaucoup. Plus actuel, il y a Zoufris Maracas, La Rue qui est à nous, un peu dans la chanson un peu bohème, ça c'est des trucs qu'on aime beaucoup. Et après musicalement, ouais, il y a énormément de trucs, Aurel San par exemple, plus en rap, ou il y en a vraiment beaucoup, Caballero et Jean Jass aussi dans le rap. Il y en a une liste assez énorme en vrai. D'accord. Donc avant d'aller plus loin à nouveau, il est 14h46, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album, histoire on va dire de reprendre notre souffle et que nous écoutions cette fois le morceau, il me semble, numéro 6 de cet album, morceau intitulé Cigarette après l'amour. Ça sonne bien, ce sont deux choses plutôt agréables, on va pas se mentir. Voilà. Après la cigarette pour les fumeurs bien sûr, et l'amour pour tout le monde. Allez, il faut que tout le monde s'aime, la vie est belle, on a le droit de s'aimer, on doit s'aimer, enfin bref, c'était la petite pensée philosophique. Donc on écoute ce titre Cigarette après l'amour et on se retrouve juste après pour l'explication justement de ce titre et pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Doigts. Alambic avec leur morceau Cigarette après l'amour. Vous êtes sur Radio Gamozo bien sûr et vous êtes de retour. Il est 14h51. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone, comme depuis bientôt une heure, de Miguel du groupe Alambic justement, qui est là pour nous parler de leur dernier album en date, sorti le vendredi 25 octobre 2019, ça fait à peu près un an et demi, album intitulé Premier des derniers. Tout est toujours bon pour vous? Ah ouais, impeccable, on est bien. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitué désormais. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer à travers ce titre Cigarette après l'amour? On reconnaît quand même qu'il y a du coup cette histoire d'infidélité comme on en parlait un petit peu plus tôt. Mais est-ce que vous aviez un autre message que vous vouliez faire, que vous vouliez transmettre à travers ce titre? Non, c'est vraiment celui-là. C'est moi, voilà, c'est l'idée que la cigarette et l'infidélité sont deux choses que j'ai beaucoup de mal à arrêter. Voilà, c'est vraiment ce côté, déjà ce côté addictif, quoi. Et puis ce côté voilà, ce côté un peu romantique, quoi, qu'il y a derrière ces deux choses là, quoi. Ouais, vraiment c'est l'idée. Et puis c'est l'idée aussi de rire un peu de cette histoire, de dédramatiser un peu l'histoire de la tromperie, quoi. Voilà, c'est des choses que je pense que ça concerne juste à peu près beaucoup de gens, peut-être même tout le monde, j'ai envie de dire, ou une grosse partie des gens qui trompent leur copine ou qui trompent leur mec. Et en vrai, c'est pas si grave, quoi. C'est plutôt marrant, d'ailleurs. D'accord. Ouais, écoutez. Donc, quand je reçois des chanteurs et musiciens ou des artistes en général, j'aime beaucoup poser cette question. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer cet album, on va dire, de A à Z, de l'écriture des textes à la commercialisation? Oh, combien de temps ça a mis? En vrai, ça a été cet album-là, ça a été l'album le plus rapide qu'on ait jamais fait, je pense pas. Je parle de notre équipe. Hein. Ouais, ça a été assez rapide en vrai. Hein. On a mis un an et demi, je pense, à écrire l'album et à l'enregistrer en studio et à ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça a été extrêmement vite en vrai. Ça a été très très rapide, mais je sais pas comment ça se fait, mais avec ce groupe on a été assez vite dans beaucoup de choses. On a écrit les chansons assez rapidement, enfin on a pris un temps classique pour écrire des chansons et tout, mais juste on s'est vite retrouvé à faire des concerts, on s'est vite retrouvé dans un studio d'enregistrement. En général on met du temps à démarcher, à trouver les studios. En fait c'est pas tant le côté artistique qui est long, tout ce qui est autour. Et là pour le coup ça a été très rapide, quoi. Donc ça fait plaisir. D'accord. Et donc autre question, ma foi, plutôt, ah, c'est pas obligatoire mais j'aime bien quand même poser cette question. En tant qu'artiste, donc chanteur, musicien, et avec la crise sanitaire actuelle que nous connaissons toutes et tous depuis bientôt 2 ans maintenant, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, pour vous faire connaître un peu plus, ou pour jouer, bah, comme vous m'avez dit, comme vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez joué l'été dernier, mais à part ça, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de vous faire, bah, de vous faire voir, en fait, tout simplement? Ah si, ouais, si, complètement. En vrai, il faut voir ça comme une espèce d'arène, hein. C'est un peu là. Alors nous on s'en fout un peu, mais en vrai dans le côté communication, trouver des concerts ou des places dans les festivals, tout le monde joue du coude pour avoir sa place et tout. En vrai, un groupe, nous ça fait assez récent, ce projet est assez récent, et c'est vrai qu'on a connu une petite ascension assez rapide, on va dire, même si elle reste petite, hein, on n'est pas connu du tout ça, mais c'est vrai que là on s'est pris le Covid dans plein fouet, et c'est pas que notre groupe, hein, c'est tous les groupes, ce qu'on appelle les groupes en développement, c'est-à-dire des groupes qui ont vocation à faire un peu des concerts, et voilà, c'est pas un groupe de garage, quoi, on va dire, mais qui sont pas non plus des groupes connus qui remplissent des salles. Et ben tous ces groupes là en vrai ça a été un peu difficile, hein, parce que alors on a pu se recycler un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, faire des lives et tout, mais on va pas se mentir, hein, c'est vraiment pas équivalent. Au niveau, ouais, c'est difficile de se faire connaître depuis chez soi sur internet, si déjà c'est la guerre entre les groupes, enfin il y a une grosse compétition dans la vraie vie, on va dire, sur les réseaux sociaux et sur internet, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment c'est super compliqué, quoi. Et puis le côté marketing, il faut que ta vidéo fasse des vues et tout, c'est vraiment un truc qui nous saoule un peu. Donc ouais, on s'est pris un peu cette crise du Covid en pleine tête, mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça, hein. Donc on le prend avec philosophie, et puis on attend juste la possibilité de remonter sur scène et d'aller revoir les gens en vrai et de revivre vraiment, de refaire de la musique, de renouer avec la raison première pour laquelle on fait de la musique, c'est-à-dire faire de la scène, rencontrer des gens, boire des coups, faire la fête, quoi. Et donc ici à Radio Gamozo, si on peut vous mettre un petit coup de projecteur pour ne serait-ce vous apporter, on va dire, qu'une seule vente, bah du coup on est là pour ça aussi, et ce serait une mission réussie pour nous, donc à Radio Gamozo. Donc d'ailleurs, en parlant d'album, si nous voulons nous procurer cet album, premier des derniers, comment pouvons-nous faire? Alors cet album, alors déjà merci effectivement pour cette mise en lumière, parce que c'est vrai que c'est important pour les petits groupes, quoi, d'avoir ce coup de projecteur. Merci à vous, et c'est pas le cas de tous les médias qui mettent en avant vraiment les jeunes groupes, donc ça fait vraiment plaisir. Avec et alors cet album là si vous voulez soutenir l'aventure, participer à l'aventure, tout ça et nous permettre de continuer l'apéro, on peut trouver cet album alors en Fnac, dans tous les magasins comme ça, les gros magasins où ça vend un peu des CD, sur internet évidemment, sur les plateformes de streaming, l'album est accessible, et pas mal de titres sont également sur YouTube en mode clip, dont nos trois nouveaux morceaux, étonnamment RSA et le morceau Mara, quoi. D'accord, justement, si je peux faire un petit message à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, je vous conseille vivement d'acheter, de vous procurer ou même d'écouter ne serait-ce que cet album, car pour avoir eu la chance de l'avoir écouté en préparant cette émission, c'est un bon petit moment avec un petit peu d'humour, tout ça, donc c'est vraiment sympa, ça change de ce qu'on pourrait entendre habituellement et ce qu'on pourrait entendre bien sûr ailleurs. Donc si vous voulez vous procurer, on va dire, quelques, une trentaine, quarantaine de minutes de bonne ambiance et de bonne humeur, allez-y, écoutez cet album, vous ne le regretterez pas, je vais y arriver. Donc, merci beaucoup. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, c'est passé à toute vitesse. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Alors, ouais, je ne sais pas si moi je peux me permettre de donner des conseils, mais je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors déjà, particulièrement pour les filles, hein, c'est étonnant comme il y a si peu de filles musiciennes, alors qu'en vrai, enfin, il y a aucune raison en cela. Donc, franchement, n'ayez pas peur, foncez dans le tas, faites du son un maximum. On vit une période aussi qui, déjà avant le Covid, était compliquée, parce qu'il y a énormément de salles de concert qui ferment parce que les gens appellent la police dès qu'ils entendent un petit peu de bruit. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez des instruments, faites un maximum de bruit, faites chier vos voisins, reprenez un peu le contrôle sonore. Et ouais, faites de la musique, créez, jouez partout dans les salles de concert, créez vos événements, vos festivals. Ouais, il faut un peu, on va faire la fête, quoi, avec ça. D'accord. Et si nous voulons suivre l'avancée de la carrière du groupe Alambic, comment pouvons-nous faire? Alors vous pouvez absolument, alors les réseaux sociaux, ça sert exactement à ça, nous on raconte un peu notre vie là-dessus. Et donc les réseaux sociaux sur Instagram, hein, Alambic officiel, sur Instagram, on est sur TikTok aussi depuis pas longtemps, sur Facebook évidemment, donc voilà, sur les réseaux sociaux on raconte un peu notre life, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre l'aventure. D'accord, j'irai mettre mon petit j'aime sur votre page Facebook. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De se rencontrer, de faire la fête ensemble, hein, de revoir un peu les concerts qui vont rouvrir, un petit rayon de soleil là, ça peut vraiment faire plaisir, voilà, ça et plein de bonne humeur, hein, plein de voilà, que du bonheur. À part ça, je vois pas ce que vous pourriez nous souhaiter. C'est vraiment ce qu'on veut. D'accord, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite alors. C'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. On a un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave. Je vous remercie une nouvelle fois, Miguel, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, merci à vous. Hein. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Ça marche. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et si vous voulez, je pourrais même vous envoyer le podcast de l'émission par mail.